Mercredi 19h-19h30, Made in Fadjet, l'émission des émissions de Fadjet. Bonsoir et bienvenue dans l'émission qui vous emmène chaque semaine à la découverte d'un programme différent de Fadjet, qui vous en dévoile les coulisses et qui vous permet aussi de faire plus ample connaissance avec son ou ses animateurs, voire animatrices. Et c'est le cas ce soir, puisque j'ai le plaisir d'accueillir Anaïk. Bonsoir à tous. Bonsoir Anaïk. Bonsoir. Alors, premier indice, puisque c'est le principe dans cette émission, on commence l'introduction de cette émission en essayant de faire jouer nos auditeurs pour qu'ils essayent de découvrir quelle est l'émission qui est mise en lumière dans Made in Fadjet chaque semaine. Alors déjà, on peut dire que ce soir, tu es venu sans ton complice. C'est vrai, petit indice pour notre émission, donc nous sommes au nombre de deux. Vous êtes deux, donc oui. Ça c'est déjà un indice important. Elle est hebdomadaire cette émission ? Alors c'est une émission mensuelle. Voilà, tous les qu'on peut retrouver, quel jour ? Alors on peut la retrouver donc le vendredi, mais essentiellement le troisième vendredi de chaque mois. Le troisième vendredi de chaque mois ? Vers quel créneau horaire ? Je dirais 17h jusqu'à 17h30. Alors là, ça fait déjà beaucoup, beaucoup d'indices hein, pour nos fidèles auditeurs. Je pense que certains ont déjà trouvé. Mais toi, Anaïk, qu'est-ce que tu dirais en plus, sans donner tout de suite le titre de ton émission, pour aider nos auditeurs à découvrir de quelle émission il s'agit ? Alors, je pourrais dire le mot « passé ». D'accord. Ou encore le mot, alors là c'est un indice un petit peu, qui va peut-être aider plus nos auditeurs. Un gros indice, hein. Alors si je dis le mot rétro. Oh bah oui, alors là on peut même vous dire que ce mot existe dans le titre de l'émission. Oui c'est vrai. Voilà, donc je pense qu'ils ont pratiquement tous les éléments, mais peut-être n'ont-ils encore pas trouvé. Et pour vraiment leur donner la réponse, on écoute tout de suite ceci. Mais c'est quelle fréquence déjà ? Et à quelle heure ? Un coup d'œil dans le rétro ? C'est sur 94.2 et à 17h, le troisième vendredi de chaque mois. Artistes, mode, déco, sortie, une émission pour tous les amoureux du rétro d'hier et d'aujourd'hui. De 17h à 17h30, un coup d'œil dans le rétro sur 94.2 ou www.fadjet.net. Un coup d'œil dans le rétro, c'est l'émission du soir sur Fadjet, dans Made in Fadjet. Et c'est Anaïk qui va nous la présenter vraiment dans le détail. Alors, un coup d'œil dans le rétro, un titre déjà assez sympa pour résumer un peu l'émission. Alors oui, c'est vrai que le titre parle de lui-même. Mmh. Effectivement, dans un coup d'œil dans le rétro, donc on avait envie de revenir effectivement sur le passé, sur la mode, sur plein de choses en fait du rétro, mais qui se conjugue un petit peu au présent parce que aujourd'hui effectivement du rétro et du vintage, on en voit un petit peu partout. Ça revient très à la mode, voilà. Le rétro. Ouais. Alors tu peux déjà dans un premier temps nous expliquer ce qu'est cette mode et un peu à quelle période elle correspond, parce que on parle du rétro et on y met un peu tout et n'importe quoi dans ce nom-là. Oui, c'est vrai. Alors effectivement, le rétro désigne un petit peu l'époque d'après-guerre jusqu'aux années, je dirais, un petit peu 90. Mm-hmm. On parle aussi de vintage, beaucoup aussi, on voit ce mot un petit peu partout, notamment pour la mode, pour la déco. Le vintage, c'est un petit peu les accessoires et les vêtements en fait, des décennies précédentes qui redeviennent en fait, au goût du jour. Voilà, c'est ça. On reprend des choses, chemises à fleurs, tapisseries à fleurs, exactement, par exemple. Voilà. Ça, c'est remet chez vintage, soi. Ça, c'est très, très vintage. Moi, je me souviens chez mes parents, avant, effectivement, il y avait des tapisseries à fleurs jusqu'au plafond, par exemple. Ouais. Enfin, je sais pas, moi, j'ai connu ça quand j'étais petite. Et c'est vrai que le vintage, le rétro, c'est un petit peu les souvenirs de notre enfance. Quoi. C'est un peu ça, exactement. Ouais, c'est ça. Et on retrouve le rétro dans des domaines très différents, parce que ça peut être la mode, tu viens d'en parler. Ouais. Donc, la mode vintage, c'est quoi ? Mini-jupe Alors, la mode vintage, il y a plusieurs époques aussi. Dans les années 40, 50, 60, 70, où il y avait vraiment des choses très différentes. Mmh. Dans notre émission, on essaye aussi de balayer toutes ces époques. Mmh. Par exemple, la mode années 60-70 est complètement différente de la mode 40-50. Mmh. Dans la mode 60-70, on peut retrouver les fameux pattes d'eph, les fameuses chemises à fleurs. Mmh. Dans la mode 40-50, ça va être un petit peu différent. C'est vrai que le vintage et le rétro, ça concerne la mode, ça concerne aussi la déco. Mmh. Et on en parlait tout à l'heure. Voilà, dans la déco, on retrouve pas mal de mobilier scandinave qui redevient notamment à la mode. On retrouve aussi du rotin, par exemple. Ça se voit aussi dans tous les accessoires aussi de la vie quotidienne, dans le design un petit peu rétro. Je pense peut-être au frigo rétro qui, voilà, les couleurs orange pétantes aussi, voilà, qui reviennent aussi très à la mode. Complètement, ça redevient aussi dans l'automobile aussi. Il y a pas mal aussi de rééditions de vieilles voitures en fait qui redeviennent au goût du jour, que ça soit dans l'art aussi. Dans l'art, donc c'est vrai que le rétro. Pop art et tout ça. Complètement. Oui, donc le rétro, en fait, est partout. Et partout, exactement. Ouais. Et de plus en plus de gens y retournent un peu. Complètement. Tu dirais quoi, toi ? C'est de la nostalgie, ça ? Quand on a envie de. Tu disais, c'est un retour à notre enfance. C'est nostalgique ou c'est simplement pour se dire qu'il y avait des choses qui étaient bien ces années-là et qu'on peut les remettre au goût du jour. Alors, nostalgie, oui, je pense peut-être pour certains, effectivement, de retomber un petit peu dans l'enfance, dans les choses du passé, de nos parents, de nos grands-parents. Mm-hmm. Maintenant, je pense aussi que les choses passées, des fois, ont une valeur un petit peu de... comment dire, rassure un petit peu aussi, sont peut-être des fois synonymes de solidité, de je sais pas comment expliquer en fait, il y a des gens aussi qui sont peut-être attirés voilà vers ce côté-là aussi. Les bases un petit peu voilà, de les valeurs, fondations. De valeurs sûres, de voilà, c'est vrai après qu'il y a des gens qui vivent le rétro un petit peu de manière un petit peu sporadique, il y en a qui sont vraiment aussi imbibés dans cette culture, qui vivent aussi ça à fond, que ça soit par les vêtements ou par la vie au quotidien. C'est voilà. Et toi précisément, tu le vis au quotidien ? Alors nous, parce qu'on est deux, avec petit coucou à François, mon comparse, qui n'est pas là, mais on pense on lui fait à lui, un petit François, clin d'œil, effectivement. Tout à fait. Ouais. Nous au quotidien, on le vit au quotidien, que ça soit aussi quand on vient chez nous, effectivement, au niveau déco, on est tout de suite plongé dans les années 60-70. D'accord. On aime bien. Moi, au niveau musical aussi, parce que la musique aussi, au quotidien est important aussi pour nous, même dans un coup d'œil dans le rétro, parce qu'on essaye aussi de faire découvrir en fait aux auditeurs des musiques passées. De remettre au goût du jour un peu des artistes, exactement. Peut-être qu'on n'entend plus trop. Oui. Ouais. Donc, on essaye, oui. Alors, je pense qu'il y a des gens qui sont plus à fond que nous. Hein, on a reçu aussi des invités qui vraiment qui respirent rétro. Ouais. Mais nous, on adore ça. Vous êtes quand même des passionnés. Ouais, hein, C'est pour ça que vous avez eu l'idée de créer cette émission, en fait. Ouais, on avait envie, on avait envie d'en parler avec des gens aussi, qui aiment cet univers, et puis de faire découvrir effectivement à d'autres peut-être certaines choses. Comme tu dis, je pense aussi que les gens le vivent un peu différemment. Hein. Il y en a qui sont à fond, il y en a qui aiment bien aussi une partie du rétro, ça va être la déco, d'autres peut-être plus la mode. Il y a des associations justement de passionnés de rétro qui existent localement. Alors oui, il y a des associations, alors des fois qui sont ciblées, je pense à des associations concernant par exemple l'automobile, tractions avant. Exactement, il y a des acteurs aussi locaux qui s'investissent beaucoup, qui font des événements rétro, qu'on a déjà reçu aussi, je crois, une fois dans la matinale aussi, Fadjet, qui notamment, je pense à Mitch Tornade aussi, qui crée des événements aussi rétro, un peu burlesques. Il y a plein de choses. Qu'il y avait une ambiance aussi de ces années-là. Oui. Hein, c'est un petit peu faire revivre les années folles. Enfin, c'est ça aussi. Hein, une ambiance aussi festive qui n'existe peut-être plus trop aujourd'hui ou en tout cas autrement. Alors, tu nous as dit plein de choses déjà concernant l'émission. On sait qu'on y retrouve de la musique. Mm-hmm. Donc, on y retrouve des invités aussi puisque vous recevez, c'est ça ? Oui, aussi régulièrement des gens. On essaye effectivement de recevoir aussi des gens de la région. Qui viennent nous parler de leur passion. Leur passion, alors des fois, c'est autour de la mode. Ça peut être autour aussi de la déco. On avait reçu aussi Isabelle, donc V comme Vintage, qui, elle, maintenant a un site dédié à la déco rétro. On reçoit, toutes sortes d'acteurs. En fait, ça peut être des gens qui font des événements. Ça peut être des gens qui donnent des cours de danse aussi, qu'on a reçus. Je pense à Wilfried Danse aussi, qui est venu deux fois dans un coup d'œil dans le rétro. Réapprendre des danses anciennes. Exactement, parce que même, on parlait aussi de quotidien. Les danses aussi rétro reviennent beaucoup. Exactement. On en voit beaucoup à la télé. Les gens maintenant prennent des cours aussi, en couple ou tout seul même. Voilà. Oui, donc c'est un univers très vaste et très large qu'on n'imagine peut-être pas quand on parle de rétro comme ça au quotidien. Hein. Donc ça, l'émission permet vraiment de découvrir cet univers-là. Vous avez d'autres chroniques. Elle se déroule comment cette émission? Elle dure une demi-heure? Alors l'émission dure une demi-heure. On essaye donc quand on a un invité, donc on parle de notre invité et puis de sa passion. Parfois, on revient aussi sur un artiste qui a marqué des fois une époque. On parle de mode, on parle de déco, on parle aussi des sorties aussi qu'il y a à faire sur Nancy et la région. Voilà, on passe aussi des musiques, on essaye, voilà, c'est assez complet, et puis on est tout content de se retrouver une fois par mois pour parler de ça, quoi. Exactement, et de retrouver des auditeurs et d'autres passionnés, parce que c'est vraiment ça, cette émission aussi, c'est un échange. Exactement, hein, voilà. Ouais. Et bon, on va continuer à faire plus ample connaissance avec toi, Anaïk, et puis aussi avec Coup d'œil dans le rétro, hein, ton émission que tu animes une fois par mois avec ton complice Françou. Et tu nous parlais de musique tout à l'heure, qui fait partie aussi intégrante de cette émission Coup d'œil dans le rétro. Alors, tu vas nous proposer un premier titre rétro, j'imagine. Oui, bien sûr. Alors, dis-nous tout. Je vous propose d'écouter une chanson un peu d'époque, Let's Twist Again de Chubby Checker. Ça va bouger dans les studios et sur l'antenne de Fadjet. We're gonna do the twist and it goes like this. Come on, let's twist again, like we did last summer. Yeah, let's twist again, like we did last year. Do you remember when things were really humming? Yeah, let's twist again, twist the time is here. Fadjet. Et on retrouve Anaïk, mon invitée du soir, qui vient nous parler de son émission qu'elle anime avec son complice Françou. On ne va pas l'oublier du tout. Hein, non, on ne peut pas. Durant cette demi-heure. Non, on ne peut pas. Son émission, c'est Coup d'œil dans le rétro. Donc, que l'on retrouve une fois par mois, le troisième vendredi de chaque mois. À 17h. Voilà. Pendant une demi-heure. Tout à fait. Donc, tu nous as parlé un petit peu avec passion, si on sent bien, du contenu de ton émission. Et dans les studios, on a un stagiaire jeune, il s'appelle Eli, on lui fait un petit coucou. Et en entendant l'émission, il nous dit c'est la musique qu'écoute mon papa. Donc, c'est tout à fait ça, en fait, le rétro, en gros, c'est ça. Oui, c'est ça, mais il n'y a pas que les papas ou les mamans qui écoutent ce genre de musique. Il y a beaucoup aussi de gens de 30, voire plus jeune aussi, qui c'est adore. La musique des papas, mais ça revient à la mode chez les 25-30 ans. Ouais, aussi. Alors, explique-nous comment vous avez réfléchi avec Françou justement au concept de cette émission. Est-ce que c'était un concept où vous vous êtes dit ben, on va donner la parole essentiellement à des gens passionnés par le rétro et puis on va faire une petite émission entre nous, on va se sentir bien, voilà. Ou alors est-ce que c'était justement pour faire découvrir cette mode à des gens juste qui ne la connaissent pas? Alors, l'idée en fait de créer cette émission est d'abord venue pour nous, enfin en ce qui me concerne, de la musique. Alors de la musique, pourquoi ? Parce que je me suis retrouvée à récupérer pas mal de vinyle de mon papa, effectivement, qui lui, dans son plus jeune âge, avait été disque jockey en boîte de nuit, donc j'en ai quand même pas mal à la maison. Le papa qui était très à la mode à l'époque, voilà, il était DJ. Exactement, donc moi c'est vrai que toute mon enfance, j'ai un peu vécu dans le grésillement du vinyle à la maison, donc j'ai récupéré pas mal de choses de lui, et voilà, l'idée un peu est venue de là, en fait, en ce qui me concerne, de l'amour de la musique, en fait, de ces années-là. Ensuite, avec François, c'est vrai qu'on était attirés, nous, par notamment la musique rétro, mais aussi par la mode. Et puis, on s'est dit, bah, François, effectivement, qui faisait déjà de la radio, lui, m'a proposé, en fait, de faire une émission sur le rétro. Donc, on a voulu parler de plusieurs choses, hein, de mode, de déco, de sortie, tout ça. Alors, pour les passionnés, oui, mais pas seulement aussi, parce que souvent, on peut entendre, oui, le rétro, c'est ringard, c'est plus d'actualité, mais il y a plein de jeunes de mon âge et même plus jeunes qui ne connaissent pas non plus tout ça, qui des fois entendent des choses pour la première fois et qui aiment. Donc, on avait aussi envie de leur faire découvrir certaines choses, bien que nous, on a 35 ans, on n'est pas non plus... encore jeune, donc, mais voilà, pas voilà, très on est entre jeune, deux, on va voilà, dire. Entre deux, oui. Et on avait aussi envie de faire découvrir des choses du passé à des gens qui auront peut-être une sensibilité en fait par rapport à ça. Alors toi vraiment, qu'est-ce qui t'attire dans cette mode-là ? Pourquoi tu es plus attirée par cette mode-là que par la mode actuelle en fait ? Alors, qu'est-ce qui te plaît particulièrement ? Moi, qu'est-ce que tu y retrouves ? Oui, alors c'est vrai qu'à cette époque, il y avait beaucoup d'élégance, je trouve, notamment par les tenues. Les femmes étaient très féminines. À cette époque, en fait, j'avais l'impression plus que, par exemple, le fait de s'habiller, en fait, était une forme de respect aussi pour l'autre. Les gens prenaient le temps aussi de s'habiller. Il y avait une recherche, en fait, dans le vêtement. Et je trouve ça... ça me fascine, en fait. Si on parle de mode, si après on parle de musique, j'avais l'impression que c'était une insouciance aussi, en fait. À cette époque, que tout était possible en fait. Les années un peu folles, hein, exactement. C'est vraiment ça. Ouais. Hein, c'est se dire, voilà, on peut. Ça me fascine et c'est vrai que ça me fait un peu comme un coco en fait. Je sais pas, quand j'écoute une musique un peu rétro, je me sens bien en fait. C'est ça. Ça te permet, ça te fait quelque chose. Ça me fait quelque chose. Donc, ça m'hérisse le poil, comme on dit. L'attirance, effectivement. Ouais. Et ce que tu dis est intéressant aussi, c'est-à-dire une période peut-être aussi où il y avait une différence aussi entre hommes et femmes, très marquée, la mode unisexe aujourd'hui, exactement. Où effectivement tout le monde est habillé à peu près de la même façon. Voilà. Donc ça, tu trouves que c'est des choses qui manquent à la société d'aujourd'hui, de cette différenciation, peut-être aussi ce manque un petit peu, entre guillemets, de respect des uns des autres, du coup, y compris dans l'habillement. Oui, parfois. J'ai l'impression, en fait, des fois, on aurait tendance à être un petit peu tous pareils, à vouloir, voilà, être passé inaperçu. Et que peut-être ça, c'est insécurisant un peu par rapport à ce que tu dis. Exactement. Hein, puisque la différence, ça permet aussi d'avoir peut-être des points de repère. Oui, c'est vrai. Et ben, c'est super parce qu'on apprend vraiment plein de choses et on voit qu'effectivement, à travers une mode, et ben aussi, ça permet de se sentir bien. Enfin, voilà, quand on adopte un style, que ce soit n'importe quel style, ça aide peut-être à mieux vivre aussi dans sa vie de tous les jours. Quand on est à l'aise dans des vêtements, quand on est à l'aise dans son appartement, voilà. Ça nous définit aussi en tant que personne, en tant que notre personnalité, en fait. Maintenant, c'est vrai que le monde, on se regarde beaucoup les uns les autres. On se juge beaucoup aussi par l'apparence. Et c'est pas trop compliqué, justement, de s'afficher un peu au travers de cette mode rétro aujourd'hui. Il n'y a pas des gens, justement, qui vous disent... Si. Ouais, franchement, oui. Ouais, après, c'est nul. Voilà, oui, parce que ça, c'est la différence, ne serait-ce qu'une paire de lunettes, voilà, qui va être un petit peu plus prononcée. Voilà. Mmh. Des fois, on peut avoir des petites réflexions, mais ça incite aussi à la curiosité. Et malgré tout, les gens, du coup, nous parlent aussi. Mmh. Voilà. Ça crée aussi une relation et un échange. Exactement, une interaction entre les gens. Voilà. Même si on n'est pas d'accord, effectivement, et du coup, ça crée aussi du dialogue et de la communication. Mmh. Puis ça permet aussi d'afficher soi-même une différence. Complètement. Donc voilà, ça aussi, il faut l'assumer, mais en même temps, ça permet effectivement de s'affirmer soi-même, quoi. Donc voilà, on retrouve donc toutes ces notions dans l'émission Coup d'œil dans le rétro. Ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui est intéressant à dire à nos auditeurs. Qu'est-ce que tu dirais, toi, justement, à nos auditeurs qui sont jamais tombés sur l'émission, qui ont jamais fait la démarche ou qui se disent moi ça m'intéresse pas du tout, moi je suis très bien aujourd'hui avec la mode actuelle et j'ai pas envie d'entendre parler de cette mode là, qu'est-ce que tu leur dirais pour venir écouter, les amener à venir écouter l'émission Coup d'œil dans le rétro? Qu'est-ce que je leur dirais? Je leur dirais peut-être de s'ouvrir un petit peu, d'essayer de s'ouvrir aux choses. Alors c'est vrai qu'on est des fois amené à vouloir aller toujours vers le futur, l'high-tech, les nouvelles, les nouvelles technologies. On est tous un petit peu des fois plongés dans ce monde-là. Je leur dirais que des fois, ça fait du bien de se poser aussi le vendredi soir à 17h quand on a fini notre semaine de boulot et d'écouter des fois un vieux titre ou voilà. Ça peut être reposant. Ça peut être reposant aussi. Qu'on soit dans sa voiture, qu'on soit chez soi, ça peut être voilà. Donc je leur dirais de venir nous écouter, de venir replonger un petit peu dans un univers un peu cocooning. Où, ça tu le dis beaucoup, hein. c'est vrai. Vraiment hein. Ouais. Cet univers un petit peu sécurisant, voilà. Mmh. Et puis ça fait partie, tu le disais tout au début de cette émission, ça fait partie aussi de notre histoire. Exactement. C'est aussi se rappeler que voilà, nos parents, nos grands-parents ont vécu des choses, se sont habillés de telle manière, ont vécu telle ou telle mode. Et ça, dans la vie de chacun, c'est certainement sécurisant et important. Oui, et puis je pense aussi des fois quand on parle de certaines choses ou quand on passe une musique dans l'émission, ça peut renvoyer un souvenir aussi que chacun peut avoir, que ça soit avec sa grand-mère ou son grand-père ou avec tout simplement ses parents. Eh bien, tout à fait, c'est tout à fait ça. Eh bien, tu parlais musique à l'instant, on va en écouter une deuxième. Mmh. Alors là, peut-être avec quelqu'un d'un peu plus récent. Alors un peu plus récent, mais qu'on aime beaucoup aussi dans un coup d'œil dans le rétro. Un grand monsieur, la chanson française. Ouais, Serge Gainsbourg avec Le Poinçonneur des Lilas. Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y'a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Rider Digest. Et dans ce bouquin, y'a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il y a pas de saut métier. Moi je fais des trous dans des billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, pour un valide changé à opéra. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis, j'en amène jusque dans mon lit. Et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondances. Parfois je rêve, je divague, je vois des vagues. Et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher. Pour me sortir de ce trou, je fais des trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Mais le bateau se taille, et je vois que je déraille. Et je reste dans mon trou à faire des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, arts et métiers directs par le Valois. J'en ai marre, j'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la fille de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, où je pourrai m'évader dans la nature. je partirai sur la grande route, écoute que coûte. Et si pour moi il est plus temps, je partirai les pieds devant. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Y'a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue. Se faire un trou, un petit trou, un dernier petit trou. Un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou. Et on me mettra dans un grand trou, et je n'entendrai plus parler de trous. Je chope des trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous. À 19h30, c'est Made in Fadjet, l'émission des émissions de Fadjet. Les cinq dernières minutes avec mon invité du soir, Anaïk, qui est venu nous parler depuis presque une demi-heure maintenant, et le temps passe vite parce que c'est passionnant ce que tu nous racontes, du contenu de l'émission et surtout de ta passion pour cette mode rétro, donc coup d'œil dans le rétro, l'émission qui remet à la mode le rétro. Le passé au présent. Le passé au présent, hein, c'est un peu ça. Voilà, ça. Ça c'est le slogan qui va bien à cette émission. Alors, coup d'œil dans le rétro, on disait au tout début de cette émission que c'était un titre qui résumait bien ce que vous proposez, parce que ça insiste, c'est à la fois on a le rétro et on a le coup d'œil, le retour en arrière. Exactement. Hein, c'est vraiment ça, donc là on a l'explication et tu nous l'as expliqué très bien pendant cette demi-heure d'émission, c'est vraiment redire qu'il y a des choses intéressantes dans cette mode-là, qui reviennent un petit peu au goût du jour, la faire découvrir, hein, parce que voilà, on disait au début de l'émission aussi que on y met tout et n'importe quoi, mais qu'il y a des choses très précises qui correspondent à l'art, qui correspondent à la culture, qui correspondent à la mode, à la déco, voilà. Et on sent bien cette passion, et tu nous l'as redit aussi, qui te permet, toi, d'être un petit peu dans un cocon, hein, le cocooning de cette mode-là. Ça, c'est ce qui te plaît. Les invités que vous recevez régulièrement dans l'émission, ils peuvent venir d'univers différents. C'est des représentants d'associations, c'est des passionnés eux-mêmes. Découvrir des gens, oui, donc qui ont soit monté des associations, qui font des événements donc autour du rétro. Mm-hmm. On peut découvrir aussi, je le disais tout à l'heure, par exemple des professeurs de danse. Mm-hmm. On peut découvrir aussi des gens qui font des vêtements rétro, mm-hmm. Qui en vivent aussi. Mm-hmm. On peut découvrir des gens qui vendent du mobilier rétro. On peut découvrir des passionnés d'automobiles rétro. Gens de tous univers. Donc, vous avez envie de découvrir, n'hésitez pas, c'est tous les troisièmes vendredis de chaque mois. Oui. À quelle heure ? 17h. 17h sur l'antenne de Fadjet pour coup d'œil dans le rétro. Alors, on sait que Fadjet, c'est une radio associative, que l'essentiel des animateurs sont des bénévoles. Oui. Donc, j'imagine que tu as un travail à côté, un métier, comme on dit. Oui, oui, oui. Tu fais quoi ? Alors, je suis infirmière. D'accord, voilà. Très bien. Comme quoi, hein, la radio mène à tout, l'inverse. Exactement. Alors, c'est quoi le lien entre infirmière et justement animatrice radio ? C'est un lien ou pas du tout ? Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, l'animation d'une émission comme ça dans ta vie de tous les jours ? Je sais pas si ça a un lien direct. Après, moi, je suis venue à la radio de par François, effectivement, mm-hmm. Qui avait déjà un pied. Qu'on l'aura cité dans cette demi-heure d'émission ? Oui, le pauvre, hein, il est pas là. Hein, donc, je suis venue. Voilà, j'ai découvert la radio, et notamment Fadjet par François. Mm-hmm. C'est vrai que la radio. Alors moi, au début, j'étais terrifiée. Hein, j'avais peur. Je me suis dit, je vais jamais y arriver. J'avais peur aussi de m'exprimer aussi derrière un micro, de pas voir les gens aussi, parce que c'est perturbant aussi de s'exprimer sans voir en fait les gens qu'il y a derrière. Exactement. C'est pas si facile que ça, parce que en plus faut qu'on passe des messages assez clairs, faut qu'on soit dynamique aussi. Mm-hmm. Donc moi ça m'apporte un peu plus confiance en moi, ça m'aide à m'exprimer de façon claire et spontanée aussi. Mm-hmm. Parce que la radio, faut que ça soit aussi spontané. Tout à fait. Donc, c'est ça aussi, faire passer ses émotions aussi. Et voilà. Donc toi, ça t'apporte confiance. Oui. Ça, c'est un petit peu ce que tu nous dis. Mm. Est-ce que ça te permet de souffler un peu ? Parce qu'infirmière, j'imagine que ce n'est pas un métier simple tous les jours. Ah oui, non, c'est sûr. Bon, après, il y a beaucoup de boulots, hein, qui ne sont pas simples tous les jours. Maintenant, c'est vrai que la radio, oui, je suis heureuse de venir... De venir une fois par mois ici m'exprimer, m'éclater aussi, parce que je m'amuse aussi à faire ça. Et puis partager ma passion. Et puis c'est vrai qu'à Fadjet, on est super bien accueilli. C'est voilà, il y a une espèce d'ambiance un petit peu familiale qui règne. Mm-hmm. Et j'ai envie de dire c'est pas rétro du tout. Hein. Et c'est pas rétro du tout, même si Fadjet a 30 ans. Exactement. Voilà, donc je suis très jeune. Exactement. Voilà. Donc, mais c'est vrai qu'on s'y sent bien et n'importe qui peut venir pousser la porte de la radio et ne serait-ce que pour découvrir ou pour pourquoi pas faire une émission. Voilà. Exactement. Ouais. On y arrive comme ça, simplement. Voilà. Tout un simplement. Projet, une passion qu'on a envie de partager et on peut venir la partager sur l'antenne de Fadjet. En tout cas, un grand merci à toi, Naïk, d'être venue nous parler de Coup d'œil dans le rétro. Ben. Et si vous avez envie de découvrir, eh bien c'est le troisième vendredi de chaque mois à 17h. Merci à vous. Et ben à très bientôt sur l'antenne de Fadjet. Et vous retrouvez tout de suite Menu étudiant en compagnie de Florent. Au revoir. Mercredi 19h, 19h30, Midi in Fadjet, l'émission des émissions de Fadjet.